représente sans cette ville a bercé mon enfance, ma vie commence le 9-1-86, hôpital de la ville. J'ai fait mes premiers pas dans un appart, la rue Fenel m'a fait pousser des ailes, déjà la maternelle. Petit élève modèle, puis les conneries s'enchaînent. On est petit, inoffensif, on connaît pas les conséquences de nos conneries. Mon quartier a sa réputation au chaillot, les grands jouent les patrons. Un quartier centré où y'a des trucs qui tournent par rond à cause des drogues, y'en a qui sont béton. Ensuite l'école primaire, puis le collège et le lycée, toujours partant pour les soirées, tout ce qu'il faut pour s'éclater. Je regrette ces bonnes années, y'avait pas tant de soucis, mais on est tous condamnés à errer sans le sou avec les soucis. Trop vite on a mûri, on sait ce qu'on fait, c'est pas magnifique, mais c'est notre vie. Arrêtez les polémiques, j'ai pas fini. La vie est tellement courte que c'est pas combien de temps on a encore devant nous. Faut profiter, mes rimes sont basées à grosse dose, comme une caillasse des héros. Je veux pas jouer les héros, c'est juste qu'à 21 piges, je rêverai d'un monde plus beau. C'est rien que ce micro, je fais pas un carnage, j'ai juste la rage sur cette page. Ma haine se propage quand je vois comment la misère se propage. À propos, je vois bien comment c'est dur de remonter la pente, sans sortir dans la hure avec tous les dangers qui la repentent. J'essaie de me ranger, de me dire que tout va changer. J'ai décidé de rapper pour éviter de pencher du mauvais côté. Souvent je me mets à penser quand je suis posé sous un nuage de fumette. La rue Fenel, mon bloc 7, Ricus Vito 2007, SNDK des rimes toujours en tête. Mais c'est pas toujours la fête, poursuivi par la peste. La poisse me ronge, même dans mes songes. Un mauvais plan, la tête la première je plonge, en évitant de plonger. J'ai songé à ne jamais ramener les condés à la zone. J'avance pas à pas et petit à petit, car la vie je veux la voir autrement que derrière un parloir. J'avance sans voir le danger, rôdant en cachette. Tête, je me pose trop de questions dans ma tête. Je sais que c'est la galère, de façon un jour ou l'autre on finira tous au cimetière. C'est pas le terre-terre qui m'apaise, le buzz et l'épaisse. Faut tourner ma tête comme le tourner ma neige. Je ferai le tour du monde, le Sahara sous la neige. C'est comme la France sous les bombes pour Zini, Hakim et Jawed en prison. Et son béton du poids de la thèse, je m'allège. Je dis adieu, au revoir à ce monde.